c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Quand elle était petite, Sandra Rinflet avait très envie de savoir à quoi ressemblait le monde de l'autre côté de la clôture qui entourait sa maison. Mais ses parents, redoutant qu'il lui arrive quelque chose dehors, préféraient qu'elle reste tranquillement à jouer à l'intérieur ou dans le jardin. Alors la petite Sandra s'est mise à imaginer tout ce qu'elle pourrait faire quand elle serait plus grande et libre de décider. Elle irait partout, voyagerait tout le temps, elle serait chanteuse, écrivaine, photographe et même que ce serait son métier. Ça lui passera, on a bien le droit de rêver quand on est enfant, pensait-on dans son entourage. En fait, ça ne lui est pas passé. Sandra Rinflet exerce aujourd'hui ce drôle de métier qu'elle avait imaginé. Elle a même mis un nom dessus, raconteuse d'histoires vraies. Elle a fait un tour du monde pour aller à la rencontre de 81 femmes qui réalisaient leurs projets malgré des contextes difficiles. Elle a effectué plusieurs traversées de l'Europe en autostop. Et plus récemment, elle est allée à la rencontre d'artistes empêchés pour des raisons politiques, religieuses ou économiques de pratiquer leur art. Chacun de ces voyages nourrit sa création. Aujourd'hui, la raconte conteuse d'histoires vraies, Sandra Rinflet vient nous raconter son histoire et ses voyages. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloez qui nous parlera d'un nouvel aliment qui a fait du chemin avant d'arriver dans nos assiettes. On embarque avec Boban, camionneur au grand cœur. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. 817 547 km. Wow, 800 000, c'est rien. Le moteur peut aller jusqu'à 1 million de kilomètres. Ça peut aller jusqu'à 1 million. Boban est aussi fan de pop local, de musique classique, de Zaz et de son 38 tonnes. Ce camion, c'était mon rêve. Je vis mon rêve. Tes parents conduisaient aussi? Mon père était chauffeur, oui. Et mon fils le sera aussi, j'espère. C'est pour ça que tu en rêvais? Parce que tu as vu ton père conduire des camions? Non, mon père conduisait des petits camions. Mais mon rêve à moi, c'est ce poids lourd. Nous étions en Bulgarie, Sandra Rinflet, lors d'une des traversées en stop que vous avez faites de l'Europe avec une amie à vous, à peine montée à bord de la cabine de ce chauffeur routier moldave, et vous voilà déjà en train de lui parler de ses rêves d'enfance. C'est important pour vous, les rêves d'enfance? C'est la base, c'est ce qui nous meut. Et lui, comme il est tout le temps en mouvement, je me demandais si c'était un choix ou si c'était subi. Parce qu'on a souvent l'image, on se dit « Ah, mais chauffeur poids lourd, est-ce que vraiment on en rêve ? Ou est-ce que c'est par nécessité ? Est-ce que c'est alimentaire ?» Et lui, il était passionné. Il pouvait nous parler de son camion, des kilomètres, de la mécanique pendant des heures. Ouais. C'est important, hein, ces gens que vous rencontrez. Souvent, ils font écho, ils trouvent comme ça une résonance avec votre propre parcours à vous. C'est ce qui nous lie, je pense, en tant qu'humain. C'est la vocation. Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, de continuer, d'espérer? Ouais. D'être en mouvement. Quand vous étiez petite, vous vous sentiez, je le disais en introduction, parce que vous l'avez beaucoup raconté, vous vous sentiez un peu trop protégée par vos parents et ça a déclenché un peu ce rêve inverse, ce rêve d'enfance de vouloir toujours être sur la route, d'aller ailleurs, loin. Il y a le côté rébellion, bien sûr. Ouais. Comme c'était interdit, c'était désirable. Mais aussi, je crois qu'il y avait l'ennui qui a joué une grande part. Parce que comme j'ai passé vraiment de longs moments d'été, surtout d'ailleurs, je me souviens des grandes vacances, c'était interminable. Du coup, je rêvais beaucoup. Et en rêvant, je me transportais ailleurs. Et c'est là que j'ai imaginé ce métier, qui n'est pas, quand même, je vous corrige sur un point, c'est pas raconteuse d'histoires vraies, c'est inventeuse d'histoires vraies. Et ça change beaucoup. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en scène le réel. J'accepte la part de fiction dans tout ce que je produis. Alors c'est important, effectivement, pardon d'avoir fait cette petite erreur, mais c'est vrai que c'est important parce que vous faites partie des invités quand on vous reçoit. Alors on voit, elle a fait de la chanson, elle a fait un ou deux albums, il y a un roman, il y a un livre, un autre livre de photographie. C'est vrai que vous faites tout et relativement bien, mais sans vous spécialiser dans un domaine. Donc après, ça devient difficile de vous présenter en un mot, hein, de trouver est-ce qu'il faut dire écrivaine, est-ce qu'il faut dire chanteuse, est-ce qu'il faut dire photographe. Et alors effectivement, il y a ce titre que j'ai mal prononcé, mais parce qu'il n'est pas courant, finalement, inventeuse d'histoires vraies. Pourquoi vous avez trouvé ce nom-là? Parce qu'avant, quand je décrivais tout ça, on me regardait, on me fait « Ah, en fait, tu fais rien ». Quand on fait une liste trop longue, pour les gens, ça équivaut à zéro, à nul. Ouais. Les gens veulent des spécialistes. Alors, on a besoin de spécialistes. votre invité d'avant, heureusement qu'il est là et qu'il s'y connaît super bien sur les champignons. Moi, je fais pas partie de ces gens-là, je suis horizontale. C'est-à-dire que j'aime débuter, changer, pas très bien savoir. Et en fait, c'est la même chose tout ça. C'est-à-dire que raconter une histoire avec un mot, avec une photo, avec une musique, ça reste une histoire. C'est l'outil qui change seulement. Alors, quand vous étiez petite, on l'a dit, hein, vous rêviez de devenir une grande voyageuse. Mais pourtant, il y a eu un petit détour. Hein. Vous avez commencé par des études très classiques. Ce sont vos parents, les conseillers d'orientation, qui vous ont convaincu, dans un premier temps en tout cas, d'aller dans le droit chemin. Oui, alors ça c'est un petit peu la partie obscure de mon parcours, j'avoue. J'étais en bac littéraire option art et je disais que je serais ça, que je serais chanteuse, voyageuse, photographe, écrivain. Et puis en terminale, on m'a dit c'est gentil tout ça, mais faut quand même trouver un vrai métier. Et on m'a fait passer une batterie de tests et on m'a dit mais à une école de commerce c'est parfait. Vous aimez voyager, vous êtes sociable, allez-y. Mes parents ont été ravis de l'histoire. Et en fait je me suis assez bien adaptée parce que c'était festif, voilà. Et j'ai eu un déclic quand j'avais 20 ans, où je me suis dit, oh là là, je me trompe de chemin, vraiment. Ouais. Vous avez quand même fait quelques stages, hein, notamment dans une entreprise de cosmétiques, où ça se passait plutôt bien pour vous. On vous a dit, mais vous allez pouvoir bientôt monter dans la hiérarchie, devenir responsable de tout le département des déodorants. Ouais. Et au début, vous vous prenez un peu au jeu de cette compétition qui n'était pas le but précis. Il y a eu quand même un petit moment où vous rentrez dans ce système-là. En fait, moi j'adore les immersions dans des milieux que je connais pas. Donc ça, c'était intéressant. Au début, il y avait ce côté découverte, un peu intrusion. Je m'étais pas projetée là-dedans, c'était une surprise. Et puis en fait, quand j'ai eu cet accident... Parce que c'est ça, hein, le déclic. Quand vous dites, à 20 ans, il s'est passé quelque chose, c'est un accident de voiture. Ouais. Et d'un coup, j'ai pris conscience de l'urgence. Je me suis dit, il me reste peut-être pas 60 ans pour réaliser mes rêves d'enfant. Et donc, ça a été un accélérateur, en fait. Je me suis dit, c'est maintenant. C'est-à-dire que vraiment ça s'est passé comme ça, du jour au lendemain, vous avez cet accident, vous êtes sur un pont, vous le racontez hein, dans votre livre Same Same But Different, paru chez Michalon, vous racontez ça dans l'introduction de votre livre, vous dites à ce moment-là, je suis avec mon petit copain de l'époque à côté de moi et je lui dis que je vais mourir, enfin je me vois partir, en fait j'ai l'impression que c'est fini parce que l'accident a été quand même assez violent, et là... Tout de suite, vous pensez à tous les regrets, toutes ces choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez petite et que vous n'avez pas pris le temps en vous disant « j'ai bien le temps de... » Alors, c'est pas tout de suite, mais j'ai passé 3 semaines à l'hôpital, donc j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et oui, j'ai fait une sorte d'inventaire de vie, ce qu'on fait pas à 20 ans, parce qu'on nous promet une telle espérance de vie qu'on a toujours l'impression qu'il nous reste 60 ans. Quoi. Alors, vous allez décider donc de vous lancer dans un grand tour du monde. Qu'est-ce qui va vous donner cette idée du grand tour du monde? Alors là, c'est vraiment le grand voyage pendant 14 mois. Vous allez passer par de très nombreux pays. Comment germe cette idée de ce voyage-là? D'abord, 14 mois, ça passe vite. Hein. C'est pas si long que ça. Ah bah oui, quand on veut faire tous les pays que vous avez traversés, je comprends, oui. J'étais aux Philippines, en fait, pour finir, mais j'ai quand même fini mes études. J'ai passé une sorte de contrat en disant, OK, je vais vous rassurer, j'aurai un diplôme, je pourrai l'utiliser ou pas, et probablement pas. Mais je vous demanderai jamais un rond de ma vie, mais je vais pas faire ça. Voilà. Et pour le finir, du coup, je suis partie un an à Manille étudier. Et là-bas, je travaillais dans une prison pour femmes. Et j'ai rencontré des femmes au parcours incroyable. Qui avaient été prostituées, qui avaient passé des années en prison, et qui pourtant réussissaient à changer de vie. Et je me suis dit que ce serait inspirant pour nous de les entendre, et valorisant pour elles, de les mettre en lumière. Et j'ai voulu étendre à d'autres situations, d'autres pays, et à germer l'idée de ce voyage. Ouais. La rencontre de 81 femmes de notre âge. Ouais, c'était des femmes nées en 81. C'est ça. Alors, vous aimez bien qu'il y ait des règles comme ça, des règles du jeu quand vous lancez un voyage. Là, la règle du jeu, il fallait que ce soit donc des femmes qui se battent, qui ont à faire face à des épreuves et qui surmontent. Il fallait qu'il y en ait 81, donc ça fait du monde. Hein. Il va falloir beaucoup voyager pour rencontrer toutes ces femmes. Et puis, il fallait qu'elles aient votre âge, puisque, encore une fois, il y avait cette recherche un peu de trouver un écho entre ce que vous étiez en train de vivre. Et donc, il fallait qu'elles aient votre âge née en 1981. Ça a été facile de trouver toutes ces femmes sur votre parcours? Ben oui, c'était finalement assez facile. Il y a beaucoup de femmes qui font des choses incroyables. C'était surtout pour qu'on ait un point commun de base. On s'est dit, voilà, on fait partie de la même génération, on vit des vies totalement différentes, mais on a déjà ça comme point d'accroche. Et puis après, on les a cherchés au hasard. Ouais. Alors vous êtes parti vraiment beaucoup, beaucoup de pays, hein, comme je disais, Afrique du Sud, Mozambique, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mexique, Guatemala, Équateur, Pérou, Bolivie, Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie, Indonésie, Japon, Thaïlande, Birmanie, Népal, Inde. Ça donne presque le tournis en 14 mois. Pourquoi n'avoir pas choisi moins de destinations, mais pour peut-être les traverser plus en profondeur? Ah, mais moi j'aurais voulu, je voulais rester dans chaque pays. C'était d'ailleurs mon grand débat avec l'amie avec laquelle je voyageais, qui s'appelle Yuki. que je salue si elle est quelque part de l'autre côté du poste. Elle est dans l'action, c'est quelqu'un d'assez carré. Et moi, je m'attache beaucoup trop, donc j'avais envie de rester à chaque fois. C'était des négociations pour prolonger chaque pays, chaque étape, en tout cas. Alors, le profil des femmes que vous allez rencontrer, il y a des sportives, des créatrices d'entreprises, des artistes, des leaders politiques. Évidemment, on ne pourra pas faire les 81, mais quelques exemples. Alors, il y a Véronica, par exemple, vous l'avez rencontrée dans une prison équatorienne. Ouais, c'est une jeune Argentine qui a été incarcérée parce qu'elle portait de la drogue pour son compagnon, une mule, comme on les appelle en Amérique latine. Elle était prof dans son pays, à Buenos Aires, elle avait deux enfants, et elle s'est fait arrêter pour une durée indéterminée. C'est-à-dire que nous, quand on l'a rencontrée, ça faisait 8 ans qu'elle était en prison, et elle n'avait pas été jugée. Donc elle nous a raconté qu'en arrivant dans la prison, au départ, elle s'est dit, je vais mourir, quoi. Ma vie est foutue, c'est terminé. En plus, elle a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de prostituées autour d'elle, parce que c'est des prisons plus ouvertes que chez nous. On peut facilement aller à la porte et dire, voilà, je viens voir, Maria, et on fait des passes, les femmes font des passes à 10 fois moins cher qu'en ville pour se faire de l'argent. Parce qu'il faut tout acheter dans l'enceinte de la prison, si elles veulent autre chose que la nourriture de base. Mmh. Et Véronica s'est dit, moi, je peux pas en arriver là, c'est pas possible. Donc, soit je me fous en l'air, en gros, soit j'essaie de trouver une solution pour vivre différemment dans la prison. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé, alors? Eh bien, elle a eu deux idées. La première, c'est qu'elle a créé une école pour les enfants qui vivent avec leur mère, puisqu'il y a 200 gamins qui sont derrière les barreaux quand les familles peuvent pas les prendre en charge. Et l'autre idée qu'elle a eue, c'est créer un journal pour que les femmes s'expriment. Donc, elle a retrouvé son côté prof, pédagogue, comment est-ce que vous pouvez voyager de l'intérieur. Et surtout, elles se sont mises à vendre ce journal dans le pays. Pour avoir une autre source de revenus que la prostitution avec une ONG. Et ce qui est dingue avec cette femme, c'est que elle nous a dit qu'elle était plus heureuse aujourd'hui dans cette prison qu'elle l'était avant, et que c'était elle se serait jamais projetée dans cette vie-là, mais qu'elle avait trouvé sa vocation par surprise, ou en tout cas par adaptation, parce qu'elle a su accepter la contrainte et trouver la marge de pouvoir, même petite, qu'elle avait à l'intérieur de la prison. Autre exemple tout aussi marquant, en Bolivie cette fois, vous rencontrez Violeta, une femme qui n'était pas bien dans sa peau dans un premier temps, à qui il arrive quelque chose de grave, elle découvre qu'elle est séropositive, et au lieu de s'effondrer, au contraire, ça la galvanise, ça lui donne une force incroyable de se battre, et alors qu'elle était un peu neurasthénique, elle découvre qu'elle a une folle envie de vivre. En fait, elle était même suicidaire, elle avait fait des tentatives de suicide, et quand elle s'est vue dans un miroir et qu'on lui a dit « tu vas peut-être vraiment mourir », elle a eu un sursaut en se disant « en fait, je veux pas ». Je veux pas. Et elle est devenue la voix des personnes séropositives en Bolivie, puisqu'à l'époque, le gouvernement disait que ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de sida dans ce pays. C'est un pays assez conservateur, catholique. Et donc, il y avait une sorte de déni. C'était vraiment l'omerta là-dessus. Et elle a décidé de le dire à la télé, au prix de sa vie personnelle, notamment. Et en fait, ça l'a portée et elle est devenue ambassadrice des Nations Unies partout dans le monde. Oui, pour le droit des femmes. Voilà encore un profil intéressant. Je vous propose à présent d'écouter la voix d'une des femmes que vous avez rencontrée. Qui est cette femme, Sandra Rinflet, que l'on entend très entourée là? Oui, c'était dans un festival. C'est une femme du Zimbabwe qui s'appelle Prudence Mavena, qui faisait partie d'un groupe à l'époque, en tout cas, qui s'appelait King George Five. Et c'est une jeune chanteuse polyhandicapée. Elle est dans un fauteuil roulant, oui, assez lourdement handicapée. Elle a pas de bras, pas de jambes, pour situer un petit peu la difficulté qu'elle a rencontrée. Et surtout dans son pays, être handicapée, c'est considéré comme une malédiction divine. Donc les parents l'ont laissée dans un foyer en disant « Ouh là là, on veut pas que les voisins la voient, c'est mauvais signe, on a eu le mauvais œil en gros ». Et la prof de musique de Prudence dans l'institut s'est rendu compte qu'elle avait une voix incroyable. Et elle a monté un groupe avec d'autres enfants du centre. Et nous, on l'a rencontrée au Mozambique. Elle faisait partie d'un festival, c'était un groupe qui candidatait pour un prix dans un festival international. Et elle nous a dit, avant de monter sur scène, vous allez voir, c'est difficile parce que les autres groupes dansent et que le handicap, c'est quand même rarement montré, rarement mis en lumière. Il y a un malaise à chaque fois, les gens, il y en a qui sortent, tout ça. Donc nous, on se dit, mais c'est pas possible à ce point-là. Et en effet, c'est long l'installation, comme ils ont tous des fauteuils. Et là, il y a vraiment une partie du public qui se tait, se tourne, se lève. On est mal pour elle. Et en fait, elle commence à chanter. Et là, c'est fantastique. On a l'impression qu'elle danse sur scène et tout le monde se lève. Et elle a eu une standing ovation. Elle a gagné ce festival-là. avec à la clé un album, une tournée en Suède notamment, et pas mal d'argent, ce qui l'a sauvée parce que elle était majeure et que le centre qui l'accueillait, normalement, c'est pour les mineurs. Sauf qu'il n'y a pas de sécurité sociale, que voilà, il n'y avait pas vraiment d'association pour prendre le relais, et que c'était son seul espoir, pouvoir vivre de la musique. Ouais. C'était son conte de fées, quoi. Voilà, trois exemples de ces femmes. Quand même, quand je vous disais, vous avez eu du mal à en trouver, on voit que vous avez quand même trouvé des portraits de femmes particulièrement éloquents et qui forcent l'admiration. C'était difficile de rentrer après avoir rencontré autant de femmes exceptionnelles. Vous en avez rencontré 81, comme celle dont on vient de parler. Alors c'est difficile de rentrer pour moi en général, j'ai toujours un petit problème de retour au sol, où, même si je quitte des vies que j'aime bien en France, j'ai toujours beaucoup de mal à rentrer. En revanche, rentrer après les avoir rencontrées, non. J'avais plutôt au contraire une grande force en me disant je n'ai plus d'excuses. Voilà, ouais. Après avoir rencontré ces femmes dans ces situations-là, je peux pas dire ah mais c'est dur d'être artiste en France. On nous demande toujours c'est quoi ton métier. Non, je veux dire les contraintes sont quand même minimes à côté et ça m'a plutôt donné envie et je me suis dit je peux pas parler d'elle et pas appliquer un peu ces prises de risque à ma vie. Et puis vous avez raconté dans un livre le parcours de ces 81 femmes. Le livre s'intitule Same Same But Different. Pareil mais différent. Pourquoi Same Same But Different? C'est une expression qu'on entend beaucoup en Asie. Si vous avez voyagé vers la Thaïlande tout ça, ça veut dire pareil mais différent et en fait c'est une façon de relativiser. Tu commandes du poulet par exemple et on te sert du bœuf. Et on dit, ah, mais same, same, but different. Ça va, c'est de la nourriture. Alors ça, c'était l'un de vos premiers livres. Mais attention, vous n'êtes pas devenue écrivaine, ou en tout cas, pas exclusivement. On va le voir dans la suite de cette émission. Suite de notre périple avec la raconteuse d'histoires vraies, Sandra Rinflet, dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Hubert Lenoir, fille de personne sur France Inter. L'autostop, c'est un art où les jeunes filles réussissent souvent mieux que les garçons. C'est encore une aventure avec ses risques, ses inconvénients, ses échecs et ses déceptions. C'est enfin un sport qui nécessite un équipement particulier et demande de nombreuses qualités. Courage, astuce, endurance et, surtout, beaucoup de patience. On a parlé d'interdire ce sport en France. En réalité, il s'agit plutôt de l'encourager, car nous avons peu de champions dans cette discipline. Et si beaucoup de nos automobilistes s'arrêtent, davantage encore ont tendance à accélérer lorsqu'ils voient apparaître à l'horizon la silhouette d'un stoppeur. Ceux-là, inutile de leur faire signe, mieux vaut les guetter lorsqu'ils sont désarmés, à pied, au détour d'une station-service. Nous étions sur la RTF en 1964, hein, ça date un peu, on s'en était aperçu. Alors ça nous permet d'aborder un nouveau projet dans lequel vous vous êtes lancé avec une amie, Sandra Rinflet. Chaque été, pendant plusieurs années, en 2012, 2013, 2014, vous êtes parti comme ça à travers l'Europe, mais en stop, à chaque fois pendant 28 jours, avec cette idée que le stop, c'était une bonne façon de rencontrer la population de l'intérieur. Oui, parce qu'en 28 jours, on n'a pas le temps de visiter les pays, clairement. On faisait entre 3000 la première année, 8000 kilomètres la dernière année. Donc en 28 jours, on va pas faire tous les points touristiques. Donc notre façon de voyager, c'était par la parole. On rencontrait tout un tas de populations qu'on n'aurait jamais croisées ailleurs. Et c'était assez fascinant, parce qu'en fait, on avait des visions très subjectives des pays, depuis l'habitacle, ce petit lieu confiné, un peu intime, avec ce temps qu'il fallait meubler. Mmh. Parce que quand on nous fait avancer, nous on essaie de rendre l'appareil, en tout cas d'apporter quelque chose, et c'était de la parole quand on pouvait, hein, parce qu'on avait des problématiques de communication assez fréquentes. On chantait dans ces cas-là. Ah oui, c'est une bonne façon pour briser la glace quand on ne se comprend pas, de chanter avec le conducteur. On avait des petits guides de conversation aussi, mais si la personne ne répond pas exactement ce qui est écrit dans le guide, ça s'arrête assez vite, l'échange. Ça va pas en très, très loin. Alors 28 jours, hein, 28 jours, ça c'est un clin d'œil, vous étiez deux femmes, beaucoup de gens, vous avez dit mais comment vous allez faire ce voyage à deux en stop à travers le monde. Alors les 28 jours, voilà, petite référence au cycle menstruel. Mais à chaque fois, vous cherchez à trouver des règles du jeu. Alors, on l'a dit dans la première partie de l'émission, il y avait ces 81 femmes qui étaient nées en 1981, qui devaient avoir un profil, un peu un point commun. Là, cette fois-ci, c'est l'autostop, uniquement l'autostop, à travers l'Europe. Et en 28 jours, on essaye de faire le parcours qu'on s'est fixé. Pourquoi à chaque fois ce besoin de vous mettre des contraintes? Je pense parce que j'en ai pas du tout dans le reste de ma vie. J'ai jamais eu de chef, je suis très libre et je crois que la liberté, il faut la cloisonner, sinon c'est trop vaste en fait. Ça semble, il y a un côté un peu univers, c'est difficile. Et puis j'aime bien jouer moi. Donc inventer un petit jeu et finalement c'est très inspirant la contrainte. Une règle du jeu, mais après, même si c'est un jeu, on s'y tient, vaille que vaille, coûte que coûte. Ah mais dans le jeu, c'est très sérieux. Ouais. Quand on regarde les enfants jouer, ils blaguent pas sur les règles, il faut les suivre. Le jeu, c'est très très sérieux. Ouais. Parmi ces périples comme ça, ces défis que vous vous êtes lancés avec une règle, il y a eu celui aussi d'aller à la rencontre de tous les amoureux que vous aviez eus depuis toute petite. Ouais, c'était 24. Alors 24, du coup, hein, parce que c'était 24 heures. J'ai voulu retracer une sorte de journée amoureuse en choisissant le symbole de l'heure passée avec chacun pour mettre toutes les histoires sur un pied d'égalité. C'est-à-dire l'amoureux d'enfance à qui on l'a jamais dit, l'histoire de vacances, le couple construit, et se dire que le souvenir dépendait pas de la durée, mais d'un souvenir fort. Et vous les avez tous vraiment retrouvés, ces 24 amoureux, dont certains, on l'a compris, c'était platonique. Hein, il ne s'est pas forcément passé quelque chose avec eux, donc peut-être certains ont été surpris de vous voir débarquer. Ah ben il y en a qui l'ont découvert, parce que je ne l'avais pas dit, ou ils ne se rappellent plus. Mais ça faisait partie du jeu, de dire tu ne le sais pas, mais toi tu fais partie de mon histoire d'amour, parce qu'à 6 ans, je voulais t'épouser, parce que tu étais l'acteur que je fantasmais quand j'avais 10 ans. Et je les ai retrouvés quasi tous, il y en a 20. C'est un livre photo-texte, donc il y a un petit texte, et puis une photo prise à l'heure du souvenir. Et il y en a 20 que j'ai retrouvés. Un qui m'a dit non, et un qui est mort, et deux que j'ai pas retrouvés. Ouais. Voilà. Et parmi ceux que vous avez pas retrouvés, il y avait un amoureux d'école, tout premier amour. Vous êtes rendu, du coup, dans cette école, dans laquelle vous avez été élève, et puis vous avez découvert à cette occasion-là qu'en fait, cette école, elle était désaffectée. C'est-à-dire qu'elle existait toujours, mais elle était un petit peu en ruine. Et allez hop, ça vous a déclenché une nouvelle idée de projet. Ben, c'est ça, ces villes-là, c'est suivre les signes, c'est regarder, en fait, c'est voyager, c'est pas une question de distance, c'est juste garder l'œil et être prêt à saisir les inspirations. Quoi. Et oui, je voulais aller dans cette école parce que je l'avais pas retrouvée. Donc je m'étais dit, je vais photographier la cour d'école, et je l'ai retrouvée avec des arbres au milieu du bitume, avec des tags partout, et je me suis dit, mais est-ce que ça abîme le souvenir de voir ce que deviennent les choses? Du coup, je l'ai prise en photo. C'est un peu un régal de photographe parce qu'il y a des lumières qui traversent. Et le texte, au contraire, fait abstraction de ça. C'est que des souvenirs un peu légers d'enfance. L'école s'appelait Jacques Prévert. Donc, c'est un peu à la manière de Prévert, des textes très courts, très simples. Enfin, sans vouloir me comparer à lui, mais en tout cas, c'était l'idée. Ça s'appelle « Qui a tué Jacques Prévert ?» Ouais. Ça, c'est le livre. Donc, « Qui a tué Jacques Prévert ?» avec vos textes courts et ses photos. On le voit, c'est pour ça. Hein. On a vu chanteuse, on a vu écrivaine, on a vu photographe. Reprenons donc le périple en autostop. Vous aviez baptisé ce projet, cette fois, « Petite Poussette ». En référence à quoi, « Petite Poussette » ? Alors, pas à Michel Serres, qu'on a découvert son livre après notre premier périple. En rapport au petit pousset, parce que... bon, d'abord, on faisait du pouce, bien sûr. Comme le petit pousset, on avait un symbole qu'on avait choisi. Dans chaque voiture, on laissait un petit caillou avec un dessin dessus qui représentait un visage. C'était deux symboles. C'était pour retrouver notre chemin d'abord, comme le petit pousset. Et c'était la pierre à l'édifice de notre projet. Parce que chaque voiture nous permettait d'arriver un peu plus près de notre but. Encore une nouvelle règle du jeu. Encore, en tout cas, une façon de mettre des règles comme ça. Alors, il y a eu trois étapes. Paris-Istanbul en 2012. Berlin-Odessa en 2013. Athènes-Helsinki en 2014. Quand vous décidez de partir comme ça avec votre ami, deux filles en stop à travers l'Europe, votre entourage ne s'est pas inquiété pour vous ? Ah bah si, tout le monde. Puis on avait 30 ans, on dit mais pourquoi vous n'êtes pas fauché, quoi ? Pourquoi vous faites ça ? Ouais. On s'est dit, bah nous c'est pour la rencontre qu'on fait ça. Mais on nous a dit, faites attention, c'est pas du tout comme en 64. On entendait l'extrait tout à l'heure. C'était quand même plus admis de faire du stop. Aujourd'hui, on voit tout de suite le danger, le viol, l'agression, les faits divers sordides. Et nous, comme on n'en avait jamais fait, on s'est posé la question. Et puis on s'est dit, mais si on voyage autrement, si on fait pas ça, on laisse la menace gagner en fait, elle nous laisse chez nous. Et ça c'était hors de question pour nous. Ça vous a d'ailleurs inspiré une chanson. Je disais chanteuse, mais on n'avait pas encore entendu vos talents de chanteuse. On va vous entendre avec votre amie avec laquelle vous avez fait ce stop, Aurélie Streif. Attention, tu ne devrais pas, ce serait plus sage de rester chez toi. Il y a tant de dangers sur la route, pour une fois j'aimerais que tu m'écoutes. Être une femme, est-ce donc fatal? Faut-il nous mettre sur piédestal, comme des colosses aux pieds d'argile? Nos escarpins marchent sur un fil, les ailes se conjuguent au pluriel. Nos ailes se conjuguent au pluriel. Tu me suis, bras, en vie, en vrac, dis tu me suis, bras, même si je suis patraque, tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. C'est à toutes les portières qu'on frappe, les portières de voiture, bien sûr. Comment se sont passés ces voyages, ces nombreux voyages en stop à travers l'Europe, Sandra Rinflet ? Bah, je sais que si je vous dis bien, ça va être décevant. Ben non, je vous souhaite le meilleur, évidemment. Oui, mais c'est ce qui s'est passé quand on est rentré. On écrivait des articles, on a eu voilà, quelques médias qui se sont intéressés au projet. Et la question qu'on nous posait, c'était toujours, mais quand même, il y a bien des moments où vous avez eu peur, où c'était dangereux. Et quand on répondait, en fait... pas vraiment, en tout cas c'est pas ce qui nous a marqué. Les gens étaient déçus parce qu'ils s'attendent à ça, parce que c'est ce qu'on nous prédit, le stop c'est forcément lié à une catastrophe. Mais même vous, hein, même vous à un moment notamment, je crois que c'est un Russe qui vous prend en voiture ou en camion, il sourit très peu, il vous abandonne sur un parking en pleine nuit, et à ce moment-là quelqu'un s'avance vers vous. Et là à ce moment-là vous n'emmenez pas l'art. C'est vrai, parce qu'on a quand même intégré les mises en garde, et là on voit, on n'a pas de langue en commun, donc on ne comprend pas cet homme qui a eu quelqu'un au téléphone, et son ami s'approche de nous sur ce parking, c'est dans la banlieue de Thessalonique, et en fait on flippe vraiment, et en s'approchant on voit que l'homme a deux roses dans la main, et qu'en fait il voulait nous offrir des fleurs pour nous souhaiter bonne chance pour la fin du voyage. Et c'est des fleurs d'ailleurs qu'on a amenées jusqu'à Istanbul. Alors il nous a pas compris, mais nous on lui a promis, on lui a dit on les emmènera dans le Bosphore. Donc on a apporté des espèces de pétales tout secs, mais c'était un peu notre rédemption. On s'est dit pardon d'avoir pensé ça en fait, pardon d'avoir laissé la peur prendre le pas sur juste ce qui était une incompréhension. Alors il faut quand même, pour pas être trop angélique, hein, dire que vous preniez quelques précautions, vous essayez de ne pas rouler de nuit, avant de monter dans la voiture, vous sentez pas vraiment la personne, vous montez pas non plus, enfin vous êtes pas complètement inconséquente non plus hein, dans votre façon de voyager. Non, on fait confiance à notre instinct. Ça c'était notre règle en fait, numéro un et presque la seule, c'était s'il y en a une de nous qui le sent pas, on monte pas. On disait qu'on montait avec des femmes. C'était notre phrase un peu magique. Ah oui. L'autre comprenait. Alors que ça n'était pas vrai, mais en tout cas, c'était l'excuse pour pas monter dans la voiture. Oui, si parce vous que c'était souvent des hommes quand on l'a pas senti. C'est arrivé quelques fois. Que par exemple, un homme, je sais pas, qui est en caleçon avec une bière entre les jambes, qui nous voit de l'autre côté de la rue, qui fait demi-tour pour venir nous chercher. On fait bon, ça me sent pas bon, ça. Ouais, je comprends. Alors, quels sont les bons souvenirs, par contre, les belles rencontres que vous avez faites pendant ces voyages? Il y en a eu 150. Alors, c'est très dur d'en sortir une seule. Mais je me souviens, j'y pensais ce matin, à la fin fin du premier voyage, on s'approchait d'Istanbul et on avait un peu galéré, ce qui n'arrive pas très souvent quand même, quand on est des femmes, comme il y a beaucoup d'autostoppeuses et d'autostoppeurs même en général. On a quand même cet avantage, les gens sont curieux ou veulent nous protéger, on attendait assez peu. Mais ce jour-là, on avait attendu peut-être 4 heures sur une bretelle d'autoroute, il faisait chaud. Et puis soudain, un homme s'arrête, il est turc, et on lui dit on va à Istanbul, mais c'était à peut-être 400 km, et il dit j'y vais. Et là, on comprend que c'est fini, c'est notre dernier chauffeur, il s'appelle Kan, et il nous dit qu'il est passionné de flûte. Alors, je sais plus comment s'appelle la flûte, mais c'est une flûte traditionnelle turque. Et là, il nous dit, mais je vais vous montrer. Il s'arrête en warning sur l'autoroute. Il sort sa grande flûte, et là, il nous joue de ça. C'est beau, mais on veut bien y retourner. Ouais. Et en fait, il nous a hébergés chez lui à Istanbul. Ça s'est pas du tout arrêté à la fin du trajet. Il a été super. Il nous a accompagnés jeter ses fameuses roses dans le Bosphore. Et on a souvent eu ça. C'est-à-dire que les conducteurs devenaient des ambassadeurs. Ils voulaient pas seulement nous conduire. Ils voulaient qu'on adore leur pays, que ce soit notre préféré. Ouais. Et donc, ils faisaient des détours. Ils nous invitaient au restaurant. C'était assez surprenant, en fait, d'envie de séduire. Ouais. Est-ce que ça a changé ces différentes traversées en stop de l'Europe? Le regard que vous aviez sur l'Europe et les Européens? Oui, grandement. Je pensais que l'Europe, c'était une entité, moi, vue de loin. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'on en est encore assez loin, que les frontières sont peut-être plus là, mais dans les têtes, elles le sont très fort. La première année, quand on a traversé l'ex-Yougoslavie, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on était en Croatie, on nous disait la Croatie, c'est bien, mais en Bosnie, c'est des extrémistes religieux, il faut se couvrir, il faut se voiler, sinon vous allez vous faire violer. Donc nous, on arrivait, on avait peur. Et puis ouais. Là-bas, on disait ici, pas de problème, mais au Monténégro, ils ont des armes. Tout le monde vous mettait en garde sur le pays voisin, finalement. Le pays d'après. Ouais. Et à chaque fois, en fait, nous, au bout d'un moment, on s'est dit, mais non, en fait, c'est juste, bon, ils se sont fait la guerre il n'y a pas très longtemps, on comprend qu'il y a quand même une histoire traumatisante, mais on a toujours peur ou c'est toujours la faute de l'autre. Vous allez dans un instant nous raconter un de vos projets plus récents. Vous êtes parti à la rencontre des artistes empêchés d'exercer leur art pour des raisons politiques, religieuses ou économiques. Nous allons passer par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Mauritanie. قلت رهينا تا قلت ويك تا عقدو لابدي دوتي ستا الشجرة هستادوي هاكا جالتا عشي نباتا لي فاوضا نبكتارو C'était Takatara de Tinari Wen dans le temps d'un bivouac. Alors là, on est dans un endroit, une sorte de déchetterie de barils. Moi, je trouve très photogénique et ça me fait penser à ces tubes de peinture, à sa construction, à ce côté un peu en équilibre. Mais ils me disent que c'est pas sûr. Alors, il faut parler aux gars pour, je sais pas, voir s'ils vont pas nous attaquer. C'est juste pour prendre une photo de lui. Un petit billet plus tard, le chef de la déchetterie nous laisse commencer la séance. Tout concentré que nous sommes à capter l'image de Leslie, on ne se rend pas compte que des dizaines d'hommes encerclent peu à peu la déchetterie, jusqu'à ce que notre chauffeur Israël vienne nous dire, son couteau à la main, on y va, maintenant. C'était dangereux de prendre cette photo. Je ne me sentais pas à l'aise avec le fait de rester là-bas. C'était pas sûr. On a fait vite et on a bougé. Donc ça va. Merci Israël. De toute façon, on est en sécurité maintenant. Si quelqu'un vient et veut nous faire du mal, je suis prêt à le découper en morceaux avec ma machette. Nous sommes avec l'homme à la machette. Oui, parce que je suis prêt à me battre. Me battre pour nos vies. Ambiance, Sandra Rinflet, nous étions avec vous en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Que diable êtes-vous allé faire dans cette décharge manifestement pas très bien fréquentée? Oui, je suis allée photographier un peintre. Ouais, je fais un projet depuis 3 ans sur les artistes sous contrainte et j'avais vu cette décharge magnifique dans la banlieue de Port Moresby qui était une sorte de métaphore de sa situation. On aurait dit des tubes de peinture, il y avait ce côté en équilibre, déséquilibre. Et en fait, je me suis pas posé la question de la dangerosité. Pourtant, on m'avait prévenu sur Port Moresby, mais je suis trop idéaliste sûrement, ou trop confiante. On commence à prendre la photo et là, notre chauffeur est vraiment venu en nous disant « on y va ». Maintenant, c'était non négociable et je me retourne et je vois que au-dessus de la déchetterie, donc autour de nous, comme dans une arène, il y avait des dizaines de mecs avec des machettes qui attendaient comme ça en nous regardant, comme sorte de là. Et bon, il nous a sorti la sienne, et peut-être en pensant nous rassurer, ce qui n'a pas été tout à fait le cas. Oui, oui, oui, il y a un petit côté un peu inquiétant, mais ça montre qu'effectivement, parfois vous flirtez avec la limite, mais jusqu'à maintenant, et on vous souhaite que ça continue comme ça toujours, ça se passe, ça finit toujours bien. Toujours est-il que ce projet, il est ambitieux, il est très beau aussi. Cette idée d'aller à la rencontre des artistes dans des pays où ça n'est pas du tout évident d'être un artiste. Là, en Papouasie, en l'occurrence, c'est une problématique géographique essentiellement. Il y a très peu de routes pour relier les régions entre elles. Il y a 800 langues, donc c'est très compartimenté. Et puis la culture, l'art est confondu avec l'artisanat. C'est-à-dire qu'il y a une grande place pour tout ce qui est traditionnel, reproduction du geste, de la création. En revanche, l'art contemporain n'existe pas. Il n'y a pas de salle de spectacle, il n'y a pas de galerie, aucune dans tout le pays. Donc les artistes vendent leurs toiles sur les parkings des supermarchés, les musiciens jouent dans les halls d'hôtels et uniquement des reprises. C'est très compliqué. Donc j'interroge la vocation dans ces contextes-là. Comment on décide d'être artiste quand on sait qu'on ne pourra pas en vivre? Alors, là encore, ça fait écho, mais d'une manière un peu différente avec votre enfance, parce que quand vous étiez petite et que justement vous sortiez pas beaucoup parce que vous étiez un peu protégée par vos parents, vous aviez fait écrit un livre sur les oiseaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme une sorte d'exotisme qui vous fascinait. Et puis là, en arrivant sur place, vous voyez que ça n'est pas qu'une histoire d'oiseaux de paradis, ce pays. Non, alors je les ai vus quand même, hein, ce qui était vraiment un clin d'œil à l'enfant, de me faire ce petit cadeau à la fin du voyage, mais non, c'est un pays très complexe. Où notamment la condition de la femme est vraiment difficile et puis on fait justice soi-même. Donc il faut faire attention. Après c'est fascinant, c'est une culture vraiment multiple, 800 langues. C'est difficile à concevoir, hein. C'est en même temps très riche et très cloisonné. Chacun a un clan, chaque clan a une sorcière, c'est un mélange de grandes traditions et les églises évangélistes américaines qui sont venues en masse coloniser le pays, hein. Il y a pas d'autre mot pour moi, en tout cas de la colonisation intellectuelle, ont expliqué aux papous que pour arrêter d'être des sauvages, il fallait obéir aux règles de l'Église, se couvrir les membres, plus montrer ses genoux, ses bras. Et du coup, il y a cette dualité hyper forte de danse traditionnelle où les femmes ont les seins nus et dans la rue, on n'a pas le droit de montrer ses genoux. Et si on les montre, on se fait sérieusement reprendre. C'est-à-dire qu'il y a des agressions. C'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée que vous avez rencontré la chanteuse et musicienne Alison Joyce. Tout à fait. Alors, qui est-elle? C'est une femme métisse, donc qui est moitié papou, moitié australienne. Elle est partie vivre en Australie et chanter en Australie. Et puis, à un moment, elle s'est dit, je peux pas fuir mon pays, c'est-à-dire, je peux pas faire ma vie ailleurs sans essayer de changer les choses de l'intérieur. Et donc, elle est revenue, ce qui est le point commun de tous ces artistes, hein, parce que le projet, donc, c'est en Papouasie, mais aussi en Iran, en Mauritanie, à Madagascar. Mmh. C'est des gens qui pourraient, pour certains, partir, et en tout cas, ce serait plus simple, mais qui restent parce qu'ils ont ce rôle de résistant. Ouais. Ce rôle de résistant est de résistant très décidé, la chanteuse Alison Joyce. Ce n'est pas vu comme une bonne chose d'être une femme indépendante et de vouloir faire carrière dans quelque chose comme l'art, parce que ça ne rapporte pas d'argent. Comment peuvent-elles prendre soin de leurs enfants et de leur mari si elles sont occupées à vouloir être chanteuses ou artistes? C'est une très mauvaise étiquette. Je n'accepte pas ce stigmate, ni le fait que les femmes devraient faire ci ou ça. Je m'exprime beaucoup dessus. Les hommes ne me dictent pas ma conduite. Nous n'avons pas beaucoup d'écoles de musique, pas de studios d'enregistrement qui soient accessibles aux gens. Nous n'avons pas de formation pour les musiciens, les ingénieurs du son, les artistes, et d'autres choses simples dont on a fondamentalement besoin pour construire des carrières, et pour construire des artistes, et pour aider l'art créatif à se développer dans le pays. Nous n'avons pas tout ça, donc c'est un peu difficile. Mais bon, j'existe, j'y arrive. Beaucoup d'autres artistes existent, y arrivent. Mais je crois qu'il faudrait plus de soutien pour l'art et les artistes. Les artistes que vous avez rencontrés, Sandra Rinflet, sont de véritables résistants. Oui, ça dépasse la liberté de création, en fait. C'est une question politique. Ouais. Ils veulent faire changer les choses. Et c'est d'autant plus vrai dans les pays où il y a une contrainte qui n'est pas seulement économique. Je pense à l'Iran, par exemple. C'est vraiment un pays où, là, les artistes, pour certains, risquent des peines de prison. Ils risquent pas très loin de leur vie, quand même. Et ils le font parce qu'ils ont ce rôle. Je me souviens, j'ai fait le portrait d'une metteur en scène qui fait danser des gens en Iran. Elle s'est fait incarcérer plusieurs fois pour ça. Elle a fini par s'exiler au Canada. Et là-bas, elle avait des subventions, un théâtre. C'était formidable. Mmh. Sauf qu'elle m'a dit, mais là-bas, c'était pour faire joli. C'était du théâtre pour faire joli. En Iran, ça change les choses. Donc elle y est retournée? Elle y est retournée. Et moi, j'ai vu un de ces spectacles où les gens dansent à nouveau. Je lui ai dit, mais comment c'est possible? Elle me dit, en farsi, donc en perse, on a un mot qui dit mouvement harmonieux. Ils font pas de la danse, ils font du mouvement harmonieux. Ouais. Donc tout est sur le fil, en fait. C'est ce qui est passionnant dans ce projet-là. C'est comment est-ce qu'ils trouvent leur solution et ils s'inspirent de la contrainte pour créer. L'idée de ce projet est née en Mauritanie. C'est d'ailleurs le premier pays dans lequel vous êtes allé à la rencontre des artistes. En Mauritanie aussi, les conditions pour créer ne sont pas faciles. C'est la charia, donc c'est l'islam qui dicte les règles. C'est moins contraint qu'en Iran, c'est-à-dire qu'ils sont pas incarcérés, mais il y a une pression sociale. Par exemple, on n'a pas le droit de créer une ombre. On peut pas créer en trois dimensions parce que potentiellement ça appelle les djinns, les esprits mauvais. Et pourtant j'ai rencontré des sculpteurs, voilà. Ouais. Alors qui vous avez rencontré? Oui, justement, c'est un sculpteur qui tisse des fils de fer. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Oumar Bal et c'est un des premiers artistes que j'ai photographié. Ouais. C'est très beau parce que la photo, c'est une espèce de métaphore de l'envol impossible. Il est lui-même. On fait des performances dans ces photos qu'on co-construit ensemble. Ouais. Il est tout emmêlé dans ces fils de fer. En plus, il est bègue, donc il y a vraiment ce travail sur comment on arrive à s'exprimer quand même. Et il y a ces immenses oiseaux de fer qui sont cloués au sol, un peu comme lui au fond, mais mais il reste quand même, parce qu'il dit que c'est sa matière, sa source d'inspiration, c'est là, et partir, ce serait fuir. Ouais, lui aussi, hein, il a décidé de rester. Alors son travail commence à être reconnu, tout de même. Oui, il a exposé à la Biennale de Dakar, il était à Paris il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas lui, hein, mais ses œuvres. Ouais. Ça va pour lui, mais en Mauritanie, c'est très confidentiel. Il est dans la banlieue de Nouakchott, ses œuvres sont dans le garage de sa maison. Ouais. Ce sont des artistes qui vous émeuvent. Comment votre art à vous, puisqu'on l'a compris, vous êtes aussi une artiste, entre en résonance avec ces artistes beaucoup plus contraints que vous ne l'êtes? Ben, j'essaie d'être leur porte-voix. Le projet s'appelle Voix avec la double orthographe. Et c'est un peu ma mission aussi. C'est-à-dire, en tout cas, celle que je me suis octroyée. Essayer de les mettre en lumière, de les mettre en scène, de porter leurs paroles par l'image. Je suis beaucoup moins bavarde dans ce projet que dans les autres. C'est vraiment surtout de la photographie. Et on travaille sur la métaphore. Par exemple, en Papouasie, pour montrer le fait que les musiciens pouvaient pas jouer, j'ai photographié un pianiste dans un stade tout blanc qui m'évoque les touches d'un piano sans touches noires. Merci Sandra Rinflet. Nous allons mettre un lien sur la page de l'émission vers votre site internet pour pouvoir découvrir tous vos projets. Et puis je rappelle le titre du livre dont nous avons parlé, Same Same But Different, voyage à la rencontre de 81 femmes qui réveillent le monde aux éditions Michalon. Allez, une nouvelle odyssée savoureuse dans un instant avec Eric Birloez qui nous racontera le voyage d'un nouvel aliment qui a fait du chemin avant d'arriver dans nos assiettes. 在嘉陵江畔湖那边，就是你可爱的故乡，就是有水鸟的地方。那边白云映立至村前，孩子你为什么不回家，为什么不回家。 Nostalgic Song, c'était Lily Chao sur France Inter. La programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka. Regardez, des ignames, des papayes, des taros. Mais cette île est un jardin d'une richesse vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tubercule, je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte ? Oh, c'est surprenant. Bonjour Eric Birloez. Bonjour Daniel. Vous êtes sociologue et historien de l'alimentation et chaque semaine on part sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin avant d'arriver dans nos assiettes. Aujourd'hui vous nous parlez de quoi ? Eh bien, je vais vous parler de la truffe de terre. En tout cas, c'est le nom que lui avaient donné nos arrière-arrière-arrière-grands-parents. Mais il ne s'agissait pas du tout d'un aliment de luxe recherché avec avidité. Bien au contraire, cette truffe de terre n'était autre que notre pomme de terre, un aliment que nos aïeuls ont refusé de manger pendant plus de 200 ans. Alors, d'où venait-elle, cette truffe de terre ? Eh bien, elle venait d'Amérique du Sud au début du XVIe siècle. Vous imaginez une poignée de conquistadors espagnols qui arpentent les hauts plateaux de la cordillère des Andes, dans le Pérou actuel, et ils y découvrent un petit tubercule que les Incas et leurs ancêtres cultivaient depuis près de 10 000 ans et qu'ils nommaient papa. Et que se passe-t-il alors ensuite ? Eh bien, vers 1560, des papas sont ramenés en Espagne dans les cales des caravelles. Lentement, leur culture se développe, d'abord en Espagne, en Italie, et puis dans le nord de l'Europe, en Angleterre, Irlande, Allemagne, Hollande, Belgique, Suisse. Et au début du XVIIe siècle, dans tous ces pays, on mange des pommes de terre. Elles se cultivent partout, assez facilement. Elles offrent un bon rendement et elles sont très nourrissantes. Et les Français se mettent eux aussi alors à manger des pommes de terre ? Eh bien non. Ah. En France, personne ne veut prendre le risque de manger cette truffe ou cette cartoufle, comme on la nomme également. On l'accuse même de donner la lèpre ou la peste. Alors pourquoi cette méfiance des Français? Eh bien d'abord, ils trouvent que le tubercule n'est pas très sexy. Il est tout petit, noirâtre, cabossé, avec une peau coriace, un goût amer. Ce qui inquiète aussi, c'est qu'il ne ressemble à aucun aliment connu, à part la truffe, d'où sa première appellation. Et puis la pomme de terre, elle se développe sous la terre, dans cet inframonde que l'on associait à l'époque au diable et à l'enfer. De plus, les botanistes font valoir que le tubercule fait partie de la famille des Solanacées, une famille dans laquelle figurent également les herbes à sorcières, les mortelles, belladone, mandragore, jusquiame, datura. Mais alors qu'est-ce qui va finalement décider nos ancêtres à la consommer ? Un pharmacien militaire né en 1737 dans le département de la Somme, un certain Antoine Augustin Parmentier. Lors de la guerre de 7 ans, il est fait prisonnier par les Prussiens. Chaque jour, ses geôliers lui apportent une ration de pommes de terre et rien d'autre. Parmentier constate que cette nourriture ne le rend pas malade et ne lui enlève pas non plus ses forces. Une fois libéré, il n'a plus qu'une seule idée en tête, convaincre ses compatriotes des bienfaits du tubercule. Alors comment concrètement va-t-il s'y prendre ? Alors déjà en 1771, Parmentier va remporter un concours organisé par l'Académie des sciences de Besançon. Le sujet porte sur les végétaux alternatifs que l'on pourrait consommer en période de disette. Notre apothicaire démontre avec brio l'innocuité et les atouts de la pomme de terre, mais cela ne suffit pas à faire changer les préjugés tenaces de la population. Alors comment il va parvenir à surmonter ces a priori négatifs finalement ? Eh bien, il va élaborer une stratégie de communication que je trouve absolument géniale. D'abord, il va organiser des dîners auxquels il convie les leaders d'opinion. Des savants, des encyclopédistes, des philosophes, des hommes politiques. Et lors de ces repas, on ne sert que des plats et des alcools à base de... Pommes de terre. Les invités apprécient et à leur tour, ils font la promotion du tubercule. Parmentier va aussi demander à Louis XVI de mettre à sa disposition un terrain militaire aux portes de Paris. Il y fait cultiver des pommes de terre et il fait garder le champ par des soldats en armes. Ce qui intrigue fortement les paysans voisins qui se demandent quelle est cette culture si précieuse qu'elle nécessite une telle surveillance. Alors quelques audacieux profitent de l'obscurité de la nuit pour dérober des tubercules. Ils y parviennent d'autant plus facilement que Parmentier aurait, selon la légende, demandé aux soldats de fermer les yeux, de laisser passer les voleurs. Ces voleurs mangent le tubercule dérobé, en voient l'intérêt et le buzz, encore une fois, fait le reste. Ah oui, c'est vraiment du marketing avant l'heure. Alors, une autre trouvaille de Parmentier ? Eh bien, voici une autre. La veille du 24 août 1786, nous sommes la veille de la Saint-Louis, Parmentier se précipite à Versailles, chez le roi, avec un bouquet de fleurs de... Pommes de terre. Il suggère à Louis XVI d'arborer une de ses fleurs à la boutonnière de son habit. Marie-Antoinette, de son côté, dispose quelques-unes de ses fleurs dans sa perruque. Eh bien, Parmentier a trouvé là les deux meilleurs emplacements publicitaires du royaume pour faire la promo de la pomme de terre. Et alors aujourd'hui ? La pomme de terre est devenue le troisième aliment le plus consommé dans le monde, après le riz et le blé. Elle s'adapte à des conditions de sol et de climat très différentes, ce qui lui a permis de conquérir tous les continents et de devenir l'aliment vital que l'on connaît. Alors rapidement, une recette à base de pommes de terre, Eric ? Eh bien, je vous propose aujourd'hui celle de la cacasse à cul nu. Pardon ? Oui, la cacasse à cul nu. Alors ici, je ne fais pas référence à la tenue vestimentaire de la personne qui prépare ce plat, mais à une recette traditionnelle des Ardennes. C'est une fricassée, une cacasse, de pommes de terre et d'oignons, mais sans viande, d'où l'appellation à cul nu. Alors c'était autrefois un plat de pauvres ou de temps de guerre. On se contentait de frotter l'intérieur du chaudron avec une tranche de lard. Mais pour plus de goût, moi je vous propose la cacasse culottée, on l'appelle comme ça, dans laquelle les pommes de terre et les oignons sont accompagnés de lard, de saucisses, etc. La recette, elle sera sur le site internet de l'émission. Merci Eric Birlouet. Je rappelle le titre de votre tout dernier ouvrage, Que mangeaient nos ancêtres de la préhistoire à la Première Guerre mondiale. C'est publié aux éditions Ouest France. À la semaine prochaine. À lundi. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté. Demain à 16h, nous nous intéresserons aux tsunamis qui ont marqué l'histoire récente et ancienne de la planète. Et puis à 17h, c'est Charles Hervé Gruyère qui viendra nous raconter l'histoire de la ferme biologique du Bec-et-Loing. À demain donc pour de nouvelles aventures et à tout de suite avec Laïla Kadour-Boudadi pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Laïla. Bonjour Daniel. Au programme aujourd'hui. Aujourd'hui j'accueille Didier Varron, vous le connaissez très très bien sur cette antenne. Et oui, et bien derrière l'animateur, cet homme de radio, il y a un dénicheur de talent, il y a une vie de musique en en musique, à la radio. On va un peu creuser le personnage. Bah oui, ça s'annonce passionnant. Creusons Didier Varro. Merci à la technique. Il y avait Pierre Faucillon et Jérémy Guillon. Vous écoutez France Inter, il est 18h.